C'est vrai que les prédictions, les courbes qui se prolongent, je crois qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Je vais y revenir. Alors, je vais commencer peut-être par un de vos propos. Vous avez dit finalement, les refondateurs, nous avons commencé parce que nous avons constaté que la loi LRU ne réglait pas les problèmes. Mais bien sûr que si, la loi LRU, elle règle tous les problèmes. Ça dépend d'où on regarde. Si on regarde depuis le gouvernement, la loi LRU règle le problème. C'était quoi le problème? Le problème, c'est l'université. C'est pas l'échec en premier cycle, etc. C'est l'université. Et pourquoi ça règle le problème? Ça règle le problème de financement, puisque nous sommes structurellement en situation d'être en déficit avec les RCE. Donc ça va nous amener nous-mêmes à faire les propres coupes dans les offres de formation, les coupes en personnel, etc. Donc on pourrait presque dire qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de savoir si la communauté universitaire elle est à quai. Elle n'est pas à quai, il y en a une partie qui résiste et l'autre qui collabore activement à préparer, répondre. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer un mail à tous les universitaires, on a besoin dans 3 jours d'un projet de 10 ans de recherche pour le labo, eh ben, vous êtes sûr que 90%, sinon 100%, répondront dans les 3 jours, certains même dans la nuit, avec leur projet en 10 ans. Si c'est 3000 caractères, il en fera 3000, si c'est 5000. Vous le savez tous, parce que vous l'avez tous vécu, cette servilité, cette servitude. Donc il faut aussi quand même regarder ça. Donc la loi LRU, elle règle les problèmes du point de vue du législateur. Évidemment, pas forcément de ceux qui pensent, rêvent, espèrent à une autre université. Alors, maintenant se pose la question du diagnostic. Parce que, en effet, ce discours de la déploration permanente de l'université, il n'est pas non plus nouveau. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quelles que soient les réformes, la baisse du niveau, les nouveaux publics, etc., c'est quasiment aussi vieux que l'université ou que le lycée ou que le collège, et ainsi de suite. Parce que la baisse du niveau du bac, on pourrait la prolonger. Moi, j'étais prof en lycée. Mes collègues me disaient que désormais, au collège, on ne formait plus personne. Et puis, en remontant comme ça, on a l'impression qu'il va falloir arriver jusqu'à la maternité pour pouvoir savoir qui est le responsable de la baisse du niveau. Donc, je crois que les causes sont forcément multiples. Donc, il convient d'être prudent sur le critère unique et ultime qui permettrait de régler le problème. Parce que là, je crois que ça nous amènerait à des impasses. En revanche, il y a un certain nombre de choses que l'on peut dire sur le diagnostic. D'abord, on peut dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'on croit savoir. Ainsi, sur la sortie des étudiants sans diplôme, tarte à la crème, maintes et maintes fois ressassée. Nous ne le savons pas pourquoi. Parce qu'un étudiant qui est dans une université à l'année 1, il quitte l'université. Mais aujourd'hui, nous ne le suivons pas. Donc s'il décide de s'inscrire ailleurs, par exemple, dans un IUT, dans une autre université, etc., cet étudiant qui a échoué et qui apparaît dans le taux d'échec, nous ne pouvons le suivre que de manière imparfaite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous faisons comme si c'était 0 ou 1. J'ai mon diplôme, j'ai pas mon diplôme. Mais le contenu qui a quand même, on peut le souhaiter ou le penser, qui a été transmis pendant ces années d'études, qui se traduisent par un échec en termes de diplôme, celui-là n'apparaît pas et on considère que c'est comme si rien ne s'était passé, ce qui n'est pas si simple. Donc, on pourrait comme ça multiplier, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voudrais juste simplement quand même attirer l'attention là-dessus, c'est que les taux d'échec des étudiants ne permettent pas, nous les suivons très mal, imparfaitement. Je prends l'exemple de mon université à Bordeaux 3, nous ne savons pas, voilà, parce qu'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de personnel qui les suit, nous ne connaissons pas statistiquement le devenir de nos étudiants à Bordeaux 3, et je ne pense pas que Bordeaux 3 soit la seule université dans cette situation, véritablement. Donc ils sortent pour nous de l'université, mais ils peuvent très bien aller ailleurs, nous ne le savons pas. Bon, c'est quand même un problème. Deuxième problème concernant votre diagnostic, c'est la motivation que vous prêtez aux étudiants. En effet, il est une chose de constater que X% de bacheliers se dirigent vers l'université. Il en est une autre de considérer que de ce chiffre, vous pouvez en déduire la motivation de l'étudiant qui irait à l'université par dépit, dégoût, abandon, tendance suicidaire. Enfin, on hésite, tant le tableau de l'université est catastrophique. Aujourd'hui, il y a encore des étudiants. Moi, je n'ai pas fait de statistiques, je ne peux pas vous dire combien, mais il y en a encore qui ont envie d'y aller, qui ne sont pas toujours en situation d'échec en se disant mais vraiment vivement que j'en sorte. Donc, on ne peut pas comme ça dire que les chiffres montrent. Les chiffres montrent qu'il y a en pourcentage moins d'étudiants, mais ils ne montrent pas la motivation des étudiants qui me paraît beaucoup plus compliquée à établir que vous le dites. Alors, ensuite, un point sur les propositions que j'ai aperçues, et ça va faire écho à ce qui vient d'être dit. Moi, quand je vois que vous appelez à la pluridisciplinarité au début des années universitaires, là, moi, je m'inquiète, parce que ça, c'est véritablement pain béni pour tous ceux qui veulent détruire les maîtres de conférences. Parce que qui dit pluridisciplinarité, très rapidement, dira « il n'y a plus besoin d'avoir un bac plus 8 pour aller faire de l'évangélisation à des bas années qui... » Donc, encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, il vaut mieux leur mettre un bon prag. En plus, c'est bien, ça fait 384 heures pour un salaire de maître de conférence. Donc, on y court à ça. Donc il faut quand même mesurer. Donc j'en termine là. Moi, je crois que nous devrions tous, universitaires, faire le bilan des réformes que nous avons déjà accompagnées et des effets négatifs ou pervers de celles-ci. Je prends un seul exemple, singulièrement pour les études en lettres, sciences humaines et sociales, c'est la semestrialisation. Moi, je pense qu'il serait temps que nous fassions le bilan de cette semestrialisation qui entraîne nos étudiants dans une course permanente à l'exposé, à l'évaluation, à l'examen. Ce qui fait que quand vous avez un étudiant en première semaine, il a déjà 3 ou 4 exposés à préparer. Il doit déjà penser aux examens avant de courir vers le semestre suivant. Et ensuite, quand c'est bien organisé, avec les rattrapages du premier semestre à la fin du deuxième semestre, bref, une sorte de mélange totalement fou qui empêche ce qui fait quand même normalement la noblesse de l'université, à savoir justement le temps de réfléchir, le temps de lire, etc. Nous plaçons trop souvent nos étudiants dans une situation qui les empêche de mener ce travail intellectuel que nous leur reprochons ensuite de ne pas avoir mené. Donc là, nous avons une responsabilité. Et au final, moi, je dirais ceci, face à cette déploration permanente, moi, je crois que l'université, si on regarde les moyens qu'on lui donne, finalement, elle fait relativement bien son travail. Parce que parmi les comparaisons internationales, quand on regarde les ratios, je n'ai plus les chiffres en tête, mais biatos étudiants, biatos enseignants, enseignants étudiants, là, il n'y a pas photo, nous sommes particulièrement mal lotis. Et là, on peut rajouter votre graphique en termes de pouvoir d'achat. Donc, je crois que déjà dire ça, avant de commencer à dire ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait changer, au fond, ce serait l'étape préalable. Parce que là, nous faisons comme si nous avons nous-mêmes les solutions, comme si, avec un petit examen d'entrée en année zéro, on aurait, je caricature, on aurait réglé une bonne partie des problèmes. Je crois que nous avons des problèmes de moyens. Alors, je sais que ce n'est pas tendance de dire qu'on a des problèmes des moyens, parce qu'on demande toujours des moyens. Mais quand on est dans une université où on a peur que nos collègues étrangers aillent aux toilettes tellement c'est dans un état catastrophique et qu'on prie pour qu'ils n'aient pas de besoin particulier et on leur interdit la bière à 10 heures parce que sinon c'est dangereux, je l'ai vécu ça dans des universités où on ne peut pas les amener. C'est quand même une réalité. Ça, c'est une réalité qui en dit long sur ce que nous acceptons concrètement, des bureaux à 12, 13, etc., où on ne peut pas travailler, on se réunit avec nos étudiants dans les cafés, etc. Ça, c'est la réalité de l'université. Alors, commençons par dire ça, même si tout le monde le sait, et après, demandons des moyens pour être simplement dans des conditions dignes de travail, et nous verrons bien ensuite si, au fond, notre travail, une partie du moins de celui-là, à savoir la formation des étudiants, s'améliore. Mais je crois qu'effectivement, en tout cas, terminons par cette phrase que j'aime bien, comme ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, méfions-nous des réformes que nous proposons à nos réformateurs qui risquent de s'en emparer pour détruire l'université.